on n'en voit plus guère. Une espèce qui disparaît très rapidement. Même les Bretons, même les Négresses. Forcément, chère Madame Durand, ces filles, on les a toutes pourries. C'est elles maintenant qui font la loi. Penser la nôtre était nourrie. Et là, j'ai plus 30 francs par mois. Aussi, il faut pas qu'on s'étonne. On a tout fait pour les gâter. On était trop bon pour les bonnes. Vraiment, c'est à vous d'écouter. Moi qui suis faite pour être patronne et déployer de l'autorité. Eh bien, quand je sonne, il ne vient personne. Il n'y a plus de bonnes. Quelle société! Pensez, chez moi, j'en ai eu 16. Je leur faisais un petit nicoque, un lit, une table, une lampe de chaise. Ça donnait sur les cabinets. Évidemment, ça manquait de vue. On n'y voyait jamais le soleil. Mais la nuit sèche au superflu, surtout avec un bon sommeil. Et quand le réveil carillonne, au point du jour joyeusement, sachant que le soleil rayonne devant dans tout l'appartement, l'on se lève et l'on se savonne avec plus de sel évidemment. Le soleil, lui, le gaz ronronne, mais il n'y a plus de bonne sombre moment. Leur travail, oh, laissez-moi rire. Vider les pots, ranger les lits, faire la vaisselle, frotter et cuire, passer les cuivres au trifoli, trois fois par jour servir à table, faire chaque matin une pièce à fond, les courses, un travail agréable, repasser le linge de maison, trois fois rien, avec sa gloutonne, même qu'on se privait souvent ma foi pour qu'il reste du gigot breton, ou la carcasse d'un poulet froid, avec ça, on était trop bonne, un jour de liberté par mois, pour s'en aller faire les lurones. Ben, il n'y a plus de bonne. Pourquoi? Pourquoi? On les menait en promenade, le dimanche on en prend les soins. À l'ancienne tombait malade, jusqu'à guérir le médecin. Mais quand la moustache en bataille, nos mains lui laissaient trop près. Alors on surveillait leur taille. Ça ne raquait pas, quelques mois après. On renvoyait la jeune personne, en l'attendant sévèrement. C'était le devoir des patronnes, nos maris pouvaient décemment être les pères des enfants de nos bonnes. C'est tout de même un gros soulagement de ne plus voir ces bandes qui ballonnent. Comme il n'y a plus de bonnes, il n'y a plus d'enfants. Ça devait finir dans la débauche, selon la loi du moindre effort. Tout ça, c'est la faute à la gauche. Au Saint-Pierre, à Blum et Consort. J'en ai reçu une cinquantaine, qui m'a dit d'un air insolent. On a tout faire, moi je suis pas bonne. Elle est partie en m'engueulant. La morale, je vous l'abandonne. La base du régime bourgeois. Son piédestal, c'était la bonne. Sans elle, tout s'écroule à la fois. L'office, le salon, la couronne, l'ordre, l'autorité, la loi. Y'a plus de bon Dieu, y'a plus personne. Quand y'a plus de bonne, y'a plus de bourgeois.